Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le 11 mars 2011 se produisait le Super Fail des Super Fail, la catastrophe de Fukushima. Souvenez-vous, ça s'est déroulé à peu près ainsi. Vendredi 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 se produit près de la côte est du Japon. Environ trois quarts d'heure plus tard, un tsunami de 14 mètres s'abat sur la côte, notamment sur le site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui compte 6 réacteurs de la compagnie Tokyo Electric Power. La centrale, conçue pour résister à un tsunami de 5,7 mètres, est ravagée. Le 12, le gaz dihydrogène produit par le combustible provoque une explosion qui détruit le bâtiment du réacteur 1. Même scénario pour le réacteur 3, qui est soufflé le 14. Ces déflagrations et dégazages nécessaires pour abaisser la pression propulsent de grandes quantités de radioéléments dans l'atmosphère. L'accident a été classé au niveau 7, le plus haut sur l'échelle internationale des événements nucléaires, comme celui de Tchernobyl. Fukushima a été une catastrophe là-dessus, on va tomber d'accord assez facilement, mais ça aurait pu être pire, et c'est notamment ce que nous apprend un récit de Fukushima. Le directeur de la centrale parle, il est publié par vous deux, c'est Franck Garnieri. Bonjour, vous êtes directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises aux mines Paritech, et Sébastien Travadel, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, et maître assistant à mines Paritech. Alors tout d'abord, il faut revenir sur les faits, avec du recul. Qu'est-ce qui s'est déroulé à Fukushima ? Sébastien Travadel. Oui, donc comme ça a été rappelé dans l'introduction, effectivement, on a d'abord un séisme qui vient endommager une partie des installations et qui surtout vient anéantir l'alimentation externe en électricité de la centrale. Donc à ce moment-là, se déclenchent des générateurs de secours pour continuer à refroidir les réacteurs. Et environ 45 minutes après, survient un tsunami d'une quinzaine de mètres de haut, enfin plusieurs vagues en fait à la suite, qui elles vont inonder la centrale et inonder notamment les générateurs. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de source ni interne ni externe en électricité dans une centrale, ce qui est un peu paradoxal. Et ce qui va faire en fait que les réacteurs ne peuvent plus être refroidis autrement que par des systèmes qui ont une autonomie très limitée de quelques heures a priori. À partir de là, les opérateurs vont tout faire pour essayer de trouver des moyens alternatifs de refroidissement, pour injecter de l'eau avec des camions de pompiers, etc. Et tenter finalement d'éviter la fusion des cœurs, ce à quoi ils ne vont pas réellement parvenir, puisqu'au fil des jours, on va arriver à une explosion des bâtiments du fait de l'hydrogène libéré par la fusion des cœurs dans le réacteur 1 et le réacteur 3. C'est ce que tout le monde redoutait. Trois jours après le début de l'accident nucléaire à Fukushima, le réacteur numéro 3 explose. En coulisses, cinq cellules de crise gèrent la catastrophe via conférence téléphonique. Sur le site, le directeur de la centrale est paniqué. Il tente d'alerter la direction de TEPCO à Tokyo. La réponse est d'une placidité déconcertante. Quartier général. C'est terrible. Oui, ici le quartier général. On a un souci sur le site numéro 3. Vous avez compris ? Ok, il est 11h01, je vais faire un rapport d'urgence. 8 heures plus tard, la situation est au point mort. Responsables et employés discutent encore. Faut-il évacuer le personnel ? L'échange enregistré par les caméras de vidéosurveillance semble surréaliste. Que dit le manuel de gestion des accidents sur l'évacuation lorsque le bâtiment de maintien de la pression est endommagé ? Désolé, je ne m'en souviens pas. C'est terrible. Il faut résoudre ça maintenant. Mettez la main dessus et envoyez-le-moi par mail. Mais alors, moi, je m'en souviens très bien, puisque à l'époque, j'avais réalisé plusieurs émissions. On était tous absolument catastrophés par ce qui se déroulait à Fukushima. Et on disait, mais alors ça, quand même, ces TEPCO sont ces gens-là. Ils n'avaient pas prévu ce cas de figure. C'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Alors, on peut être un peu plus fin que ça sur l'analyse. Effectivement, aujourd'hui, la tendance dans les lorsque survient une catastrophe, c'est de dire que finalement, c'est une opportunité d'apprendre. C'est ce qu'a dit l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Fukushima est une fantastique opportunité d'apprendre. Alors, on peut s'interroger quand même sur cette question de fantastique opportunité. Voilà. Et en réalité, il y avait déjà des Yoshida, le directeur de la centrale au moment de la catastrophe, était en fait quelques années plus tôt l'ingénieur responsable du département qui devait renforcer la centrale de Daiichi contre les séismes et les tsunamis. Donc en fait, il était en charge des études de sûreté pour augmenter la taille des digues de protection contre les tsunamis et renforcer les tuyauteries, notamment contre les séismes. Et en fait, ils vont beaucoup travailler sur les séismes, parce qu'à ce moment-là, au Japon, on était survenus quelques-uns qui mettaient un petit peu la pression sur l'exploitant pour travailler sur ce point. Et en ce qui concerne les tsunamis, il y avait quelques recherches scientifiques qui évoquaient la possibilité de vagues supérieures à 6 mètres, et en fait, qui pouvaient même atteindre 15 ou 20 mètres dans la région de Fukushima. Cependant, la science elle-même n'était pas suffisamment développée à ce stade et n'avait pas connaissance de cette mécanique de trois plaques, par exemple, qui s'est passée le 11 mars. Et donc, quand Yoshida est responsable du département en charge des études de sûreté pour renforcer la centrale de Daiichi, à ce moment-là, il fait procéder à des études géologiques et des études scientifiques pour simuler des tsunamis et pour voir si des tsunamis similaires s'étaient produits dans les siècles auparavant dans la région. Et les études sont formelles, ça n'est jamais arrivé et en fait, ça ne pouvait pas arriver. Voilà. Pourquoi donc, ça ne pouvait fait, pas ? D'après les études géologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des simulations numériques qui disaient « attention, il pourrait survenir une vague de plus de 15 mètres », mais les études géologiques infirmaient cette hypothèse. Alors Franck Garnieri, vraiment, à l'époque, on disait « c'est TEPCO, si ça avait été en France, ça ne serait jamais arrivé ». Aujourd'hui, que révèle ce récit de Fukushima que vous publiez au PUF ? Effectivement, un point qui est important, c'est que quand l'accident est survenu au Japon, très rapidement, la communauté internationale a regardé l'accident sous le prisme des accidents du passé. Et donc, en fait, les accidents du passé qui ont été convoqués, le premier, ça a été Tchernobyl. Et donc, en fait, de Tchernobyl, l'hypothèse qui a été avancée pour expliquer l'accident, c'est quelque part l'érosion, l'incurie du modèle soviétique. Et très rapidement... C'était pas vrai ? C'était en partie vrai. C'était en partie vrai. Et pour les Japonais... ça a été un étiquetage qui a été qualifié de fabriqué au Japon, Made in Japan. Alors cette étiquette Made in Japan, elle n'a jamais circulé dans aucun rapport d'enquête japonais. Elle n'est apparue que tardivement dans une préface de rapport d'enquête qui n'existe qu'en anglais et où on retrouve l'étiquette Made in Japan. Alors donc, qu'est-ce qu'elle signifie ? Donc le Made in Japan signifie que cet accident, il est lié à un exceptionnalisme ou à des exceptionnalismes, en particulier ce qu'est le Japon, donc une île. Qui dit île, dit pas forcément très en lien avec la communauté internationale. On a beaucoup reproché aux Japonais d'être fermés aux collaborations, aux échanges avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Qui dit aussi une île, dit ses caractères géographiques, géologiques, géotechniques, et ses expositions aux aléas naturels. Donc l'île est bien connue pour les séismes et les tsunamis. Et puis, il y a aussi l'exceptionnalisme, le culturalisme japonais, finalement avec des raisonnements qui sont assez simplistes, c'est que un Japonais n'est pas un Français. Et donc à partir de là, cet argument de Made in Japan, il a emporté l'adhésion de la communauté internationale. Il est lui-même très discuté au Japon, parce qu'en fait, les chercheurs japonais, il y a un vrai débat au sein de la communauté scientifique. Donc certains disent oui, il y a un fait culturel japonais important qui explique l'accident. Et on peut remonter dans l'histoire du Japon et de l'industrie japonaise pour expliquer ce fait culturel. Et d'autres disent non, pas du tout. Et vous, vous dites quoi ? Nous, on est un petit peu entre les deux. Quand l'accident a eu lieu et quand il y a eu les premières informations qui ont été communiquées, je me souviens avoir écrit un petit édito pour une revue où j'avais écrit « Honte à nous ». Donc « Honte à nous », je faisais référence à la communauté des ingénieurs et à une ingénierie qui a failli. Voilà. Et parce que je trouvais les informations qui me remontaient, je trouvais édifiantes en matière de gestion de crise, à la fois les relations au niveau du site, et les relations entre le site et les forces d'autodéfense, entre le site, le siège et le gouvernement, etc., etc., etc. Mais alors, pour reprendre le fil de la catastrophe, donc on comprend bien le fil du début, c'est-à-dire on a un tremblement de terre, un tsunami, un arrêt donc de l'alimentation, comme vous l'avez expliqué. Donc, les réacteurs ne sont pas refroidis avec les conséquences que l'on sait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les décisions prises ? Et quel écart entre ces décisions prises et ce qu'il aurait peut-être fallu faire ? Je ne sais pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc quand on revient sur l'accident et quand on analyse en détail ce qui s'est passé, donc naturellement, on se dit faillite de l'ingénierie. Et quand on étudie de près ce qui s'est passé, et pourquoi on étudie de près, justement parce que l'audition de Masayu Yoshida, le directeur de la centrale, est rendue publique en septembre 2014. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les auditions de l'ensemble des salariés de TEPCO sont aujourd'hui confidentielles, malgré le fait qu'elles ont été acquises lors de commissions d'enquête gouvernementales et parlementaires. Donc ça, quelque part, ça questionne un peu le débat démocratique. Quand on analyse cette audition, donc ces 28 heures d'audition, 400 pages, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit que finalement, face à un problème technique inédit, ce que disait Sébastien tout à l'heure, on avait pensé à perdre un réacteur. On ne pensait pas perdre 6 réacteurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'accident a été qualifié d'accident impensable. Donc se retrouver face à 6 réacteurs livrés à eux-mêmes, se retrouver à pas d'électricité à l'extérieur et dedans, avec un site inondé, etc., ça pose des problèmes. Et quand on regarde les solutions qui ont été développées, en fait, on s'aperçoit que, à première vue, elles paraissent dérisoires. C'est-à-dire qu'au regard de la technologie... Quelles étaient les solutions ? Alors, les solutions, face au problème, donc plus d'électricité, montée en température des réacteurs, il faut absolument les refroidir. Comme il n'y a plus d'électricité, on ne peut plus faire tourner des pompes, on ne peut plus les alimenter en eau. Donc, en fait, il faut trouver des sources de refroidissement, donc de l'eau, douce ou salée, pour pouvoir refroidir les réacteurs. Se pose un problème, c'est comment on achemine l'eau au cœur des réacteurs, sachant que les bâtiments réacteurs ont été en partie détruits, que le site est quasiment impraticable et qu'il n'y a plus d'électricité. Donc en fait, c'est les moyens du bord, et en l'occurrence les moyens du bord, ça va être principalement le système d'incendie de secours, et ça va être des camions de pompiers qui vont servir de grosses pompes pour pouvoir alimenter les réacteurs en eau, donc au début en eau douce, et très rapidement en eau de mer, puisque l'eau douce, il n'y en a pas assez, et ensuite de l'eau de mer. L'eau de mer va poser un problème, parce que si vous injectez de l'eau de mer, vous perdez l'outil de production, à cause de la corrosion que ça va engendrer sur les équipements. Et d'ailleurs, ça a été un grand débat au sein de TEPCO, en disant il ne faut absolument pas mettre de l'eau de mer, il faut absolument injecter de l'eau douce. Et donc pourquoi ? Parce qu'en fait, le siège pensait qu'ils allaient redémarrer l'installation la semaine d'après. Donc ça a été un premier élément. Est-ce que ça veut dire qu'on sacrifie des pompiers ? Justement, le principal enseignement de Fukushima, c'est finalement l'engagement des acteurs sur site, ceux qui sont restés dans des conditions absolument incroyables. Il faut voir que ce sont des personnes qui ont dormi en salle de crise pendant des jours, sans manger, avec à peine à boire, etc., avec des répliques sismiques, dans le noir, avec un site inondé, avec une radioactivité qui était vraiment, qui était à des niveaux létales. Donc effectivement, on a des personnes qui ont fait preuve d'un engagement tout à fait exceptionnel. Est-ce qu'ils se sont sacrifiés ? Alors, il y a eu clairement des actes qui relevaient d'un sacrifice, notamment lorsque finalement des équipes vont s'autodéterminer à aller, par exemple, ouvrir certaines valves pour réduire la pression de réacteurs dans un environnement extrêmement radioactif. Là, clairement, par exemple, les équipes vont décider que de préserver les jeunes et les vieux, entre guillemets, vont décider d'y aller et de se sacrifier quelque part. Et ces gens-là sont morts aujourd'hui ? Je vous avoue qu'on a peu d'éléments sur le suivi médical. Yoshida est mort. Yoshida est mort, mais a priori, il n'est pas mort des suites de l'accident. Il avait déjà un cancer, en fait, avant l'accident. En revanche, ce qui est sûr qu'ont vécu les opérateurs de TEPCO qui sont restés sur site, ça c'est absolument certain, des études médicales le prouvent, ils ont vécu un stress post-traumatique du fait de la réprobation sociale dont ils ont été l'objet dès lors qu'ils ont été en contact avec les populations qui ont dû être évacuées de la centrale. Mmh. Et donc ils ont vécu un choc extrêmement violent entre leur engagement incroyable sur le terrain et la réprobation dont ils faisaient l'objet à l'extérieur. Pourquoi on n'a pas envoyé de robots ? Parce qu'on n'en a pas. Et en plus, il faut savoir que nous étions à Fukushima l'année dernière sur le site et que c'était la première fois qu'enfin des robots pouvaient accéder au cœur du réacteur 2 sans griller. Oui. Mais alors pourquoi ? Parce que si les robots ne grillent pas, ou si les robots grillent, les hommes grillent aux mêmes températures que les robots. Oui, si non, mais je veux dire, quand vous dites accéder, c'était vraiment pour aller mesurer une radioactivité au cœur du réacteur, etc. Eux sont restés à distance et ont injecté via des circuits d'eau. Quand vous dites, par exemple, on a envoyé des bonhommes pour ouvrir des vannes, on ne pouvait pas envoyer des robots pour ouvrir les vannes ? Il y en avait pas. Là, sur place, il n'en avait pas. Il n'y en avait pas, ça veut dire qu'ils étaient pas équipés, ou alors à l'époque, non, ça n'existait pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut resituer dans le contexte. Donc en fait, on a deux centrales qui sont inondées, Daini et Daiichi, 10 km de distance. Deux réacteurs à Daini, 6 réacteurs à Daiichi. La crise absolue, elle est à Daiichi. Ensuite, on est dans une zone 20 000 morts, suite séisme et tsunami. Donc en fait, on a des forces de civils qui sont engagées sur les victimes civiles, Et on a un exploitant qui est en charge de garantir la sécurité et la sûreté de son installation nucléaire. Et on est face à une incroyable impréparation du fait même de la nature de la crise. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est un impensé, c'est que l'exploitant du nucléaire, à l'époque, se préparait à répondre à une défaillance d'un réacteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on refaisait l'accident de Tchernobyl. Pourquoi ? Parce qu'on refaisait l'accident de TMI. Et donc, en fait, on était prêt à une défaillance de 1. On n'était absolument pas prêt à la défaillance de 4. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'on se dit que, finalement, s'il y a une défaillance liée au refroidissement, elle va pas affecter un réacteur, elle va affecter tous les réacteurs. Mais c'est ce qui s'est passé. Oui, mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi moi, qui n'y connais rien, j'y pense, alors qu'eux n'y ont pas pensé. De toute façon, il y a un certain nombre de... Enfin, Fukushima questionne clairement la manière de procéder aux études de sûreté et les hypothèses faites pour mener des études déterministes ou probabilistes. Ça, c'est évident. Mais si je reviens sur la question de l'engagement et des robots, qui est une vraie question. En fait, ce que Fukushima questionne réellement, c'est ce qu'est une crise. Parce qu'évidemment, on pourrait se dire aujourd'hui, on va équiper toutes les centrales de robots, oui, et le problème est résolu. C'est effectivement une question qu'on se pose. Jusqu'à ce que, en fait, une crise se définisse comme le cas qu'on ne connaît pas encore, où ces robots seront tout simplement inopérants, balayés, détruits, je ne sais pas, et auquel cas où d'autres hommes devront à nouveau faire face à un danger létal. Et donc en fait, ce que questionne Fukushima, c'est l'engagement des personnes face à la crise, et la crise est précisément ce moment où tout ce qui était institué s'est écroulé, et il faut désormais faire face au danger. Je suis d'accord avec vous, mais d'un côté, si vous ne menez même pas la crise d'après avec les outils d'avant, alors autant baisser les bras. Pourquoi, à minima, au moins ne pas prévoir des robots, peut-être qu'ils serviront, peut-être qu'ils ne serviront pas, mais en tout cas, ce dont on se souvient à Fukushima, alors à tort, à raison, ce sont des hommes qu'on envoyait au casse-pipe. Alors en fait, y a, d'une part, évidemment qu'il faut effectivement gérer la crise de demain avec les outils de demain, mais en revanche, ça ne réglera pas tout, c'est ça que l'on veut dire. C'est qu'en fait, la crise sera par définition le moment où les outils de demain sont inopérants. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la production de gadgets occulte le fait qu'on est en face d'une vraie crise. Est-ce que ça aurait pu être pire, Fukushima ? Oui. Oui, ça aurait pu être pire parce qu'on est confronté à des réacteurs qui sont hors de contrôle. Alors, on l'a expliqué, ils sont hors de contrôle parce que pas d'électricité. Ils sont plus refroidis. Il n'y a plus d'instruments de mesure. Ou alors, ils fonctionnent de façon très erratique parce qu'on a réussi à récupérer la batterie d'une voiture ou d'un bus et on récupère une donnée. Oui. Finalement, les données que l'on a, elles sont visuelles. C'est-à-dire qu'en fait, on sort à l'extérieur et on voit qu'il y a un petit peu de fumée. On va avec un dosimètre et on arrive à faire un relevé d'exposition à la radioactivité. On a éventuellement une image aérienne ou des images de la télévision, la NHK, qui filme ce qui se passe depuis l'extérieur. Donc en fait, ils sont vraiment très démunis. Et les solutions d'ingénierie qu'ils mettent en œuvre sont très astucieuses, avec des ressources qui sont extrêmement limitées et avec les moyens du bord, mais sur lequel, du fait du non-retour de la donnée, ils ont une très très grande incertitude sur l'efficacité. Par exemple, qu'est-ce qu'ils trouvent comme solution ? Typiquement, par exemple, on a parlé tout à l'heure des camions de pompiers. Donc en fait, les camions de pompiers, c'est par exemple une chance extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années plus tôt, il y a un incendie sur une centrale nucléaire japonaise. Et en fait, l'opinion publique découvre qu'il n'y a pas de pompiers dans les centrales nucléaires japonaises. En fait, ce sont les pompiers de la ville voisine qui interviennent. Donc à ce moment-là, il y a une loi qui est votée en disant « on va rendre obligatoires les pompiers sur les centrales nucléaires japonaises et ce sont des sous-traitants qui vont faire les pompiers ». Dès qu'arrive le séisme, que font les sous-traitants ? Ils quittent l'installation pour aller rejoindre les familles. Et donc on a des camions de pompiers, mais personne ne sait utiliser les camions de pompiers. Donc les ingénieurs, les techniciens de TEPCO et quelques sous-traitants qui sont restés vont apprendre à utiliser les camions de pompiers. Et ils vont apprendre à injecter de l'eau. Sauf qu'en fait, on va injecter de l'eau dans un bâtiment qui a perdu sa structure et sur lequel finalement le plan n'a plus de sens parce que fracturé par le séisme et parce que l'inondation liée au tsunami. Donc en fait, on injecte de l'eau assez rapidement, sauf qu'en fait, on ne sait pas où va cette eau et on sait d'autant moins qu'on n'a pas de données qui nous expliquent que le réacteur est en train de refroidir. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour autant, ils n'ont pas fait au hasard leur choix puisqu'en fait, ils vont, dans l'obscurité la plus totale, se rendre dans le bâtiment des archives qui est détruit à ce moment-là pour aller chercher les plans des réacteurs qui sont extrêmement complexes. Et ensuite, essayer de comprendre quels pourraient être les circuits où probablement l'eau pourrait circuler au mieux. Donc là, ils vont avoir un vrai raisonnement d'ingénierie pour essayer de gérer néanmoins cette alimentation. Alors, en eau. Pourquoi ça aurait pu être pire ? Parce qu'en fait, le 15 mars, donc, le directeur de la centrale, Yoshida, donne l'ordre d'évacuation générale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il ne donne pas l'ordre d'évacuation absolue de l'installation. Mm-hmm. Il dit simplement que ceux qui ont quelque chose à faire d'utile restent, que les autres qui ne servent à rien s'en aillent, puisqu'en fait maintenant on peut quitter l'installation. Ils donnent cet ordre d'évacuation générale, et ce qui est important, c'est qu'ils ont tout mis en œuvre, ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Ils ont naturellement reçu des équipements qui venaient de l'extérieur, la plupart ne servaient strictement à rien. Ils ont reçu par exemple un camion de pompiers américain qui n'était pas au standard japonais. Donc en fait, ça servait à rien d'amener un camion de pompiers américain puisqu'on ne pouvait pas le brancher nulle part. Ils ont reçu de tas de matériel qui n'avait aucun rapport avec les demandes qui étaient faites. Et ensuite, ils avaient aussi un autre problème, c'est que à côté, à 10 km, à Daini, la centrale était dans une situation quasi identique. Et donc en fait, Daini entre guillemets captait les ressources avant de les envoyer sur Daiichi, et sachant que qu'on n'avait pas compris que Daiichi était dans une situation plus grave. Non, que... il le savait. À Daini, il le savait. Parce qu'il y a eu la première explosion est arrivée très rapidement. Donc, en fait, le patron de Daini, Nayuro Masuda, a refusé d'envoyer ses hommes sur Daiichi à 10 km. Et c'était les gens de Daiichi qui venaient chercher les équipements. Voilà. Est-ce que, par exemple, ça aurait été idiot de dire on a besoin de pompes, des pompes, on en a, pour refroidir avec de l'eau de mer, parce qu'assez rapidement, on s'est quand même rendu compte que la seule solution, c'était l'eau, et que les radiateurs étaient foutus, que de toute façon, on n'allait pas les récupérer. Pourquoi le gouvernement japonais n'a-t-il pas envoyé des pompes immédiatement? Parce qu'en fait, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 4 jours, finalement, ils ont réussi à reprendre le contrôle de l'installation en termes de refroidissement. Mais finalement, le moment où ils ont pris conscience qu'ils avaient repris le contrôle de l'installation, c'est au moment où ils donnent l'ordre d'évacuation. C'est-à-dire que quand Yoshida donne l'ordre d'évacuation, il dit on ne maintient sur place que les gens qui peuvent faire des choses. À ce moment-là, ils ont mis tout en œuvre ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre, sachant qu'on a quand même une crise d'ampleur inégalée à l'extérieur, avec le séisme et les tsunamis et les 20 000 victimes. Et à ce moment-là, ils attendent que ça se réalise. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui sont assez ahurissantes, où en salle de crise, ils font plus rien. Ils se prennent en photo, ils font des selfies, ils écrivent des lettres, parce qu'ils se disent maintenant, ça passe ou ça casse. Voilà. Et on est vraiment dans ce contexte-là. Pire, c'était quoi ? Pire, c'était non-refroidissement des réacteurs. Alors ? Donc fusion, explosion. Et alors ? Et donc fusion, explosion, ben, les quatre réacteurs, enfin, il y a 4 plus 2 qui sont côte à côte. Donc si vous imaginez que l'un d'entre eux explose, automatiquement, ça va occasionner des dégâts chez les voisins. Donc sur accident. Il y a une zone d'évacuation qui a été définie dans un rayon d'abord de 10, 20, 30 km. Donc si vous avez une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, on peut extrapoler Tchernobyl. Vous imaginez que dans la centrale voisine qui se trouve à 10 km à Daini, bah, il n'y a plus personne. Et qu'est-ce qui se passe à 100 km ? Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec 6 plus 2 plus 2, 10 réacteurs nucléaires qui sont livrés à eux-mêmes. Et... Ça veut dire, je sais que vous n'allez pas être capable de me répondre précisément, mais au pire, on aurait pu imaginer une zone qui soit inhabitable de quelle... type de dimension. Clairement, c'était tout le nord-est du Japon qui était envisagé vis-à-vis de, enfin pour le directeur de la centrale, sa crainte c'était la destruction absolue, totale du nord-est du Japon. Et sachant que sur accident industriel, mais ensuite sur accident en matière de population civile, parce qu'en fait la préoccupation du gouvernement japonais, c'est d'évacuer Tokyo. Et donc, il faut évacuer 34 millions d'habitants. Donc, vous imaginez, ne serait-ce qu'un scénario à la Tchernobyl pour un réacteur, les mouvements de population et de foule dans une agglomération de 34 millions d'habitants. Quoi. Je veux dire, c'est... Dernière question, parce qu'évidemment, on pense à ça. En France, qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors, on a beaucoup rigolé, on dira, il n'y a pas de tsunami sur le Rhône, en Gironde. Est-ce que vraiment on a le droit de rire? Le tsunami en Gironde, sur la centrale de Blaye, il faisait 15 cm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce tsunami? Parce qu'il faut l'expliquer. Il y a eu une inondation sur la centrale. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans un scénario comme à Fukushima, donc avec les systèmes de refroidissement noyés. Et à ce moment-là, il a fallu développer des ingénieries pour remettre en place le système de refroidissement. Donc, ça s'est réglé rapidement et vite. Mais finalement, c'est une vague de 15 cm qui a submergé une installation nucléaire française. Voilà, ce qui signifie qu'on ne peut pas se rassurer en se disant qu'en France, ça ne peut pas arriver. Merci beaucoup à tous les deux. Un récit de Fukushima, Franck Garnieri, Sébastien Travadel, c'est un bouquin passionnant aux presses universitaires de France. Superfell a été piétiné à la production par Anaïs Isebaer, gâché à la technique par Anthony Thomasson et achevé à la réalisation par Alexandre Fougeron. Superfell.